garçon résonne dans ton cœur. Une chanson plus triste que la peur. Loin de ton père, loin de ta mère, une fois sur deux. T'as compris, ce n'est pas un jeu. Petit garçon qui cherche dans le vent une raison perdue là dans le temps. Loin de ta mère, loin de ton père, une fois sur deux. T'as compris et tu cherches mieux. Si tu mets ta main au creux de la mienne, une histoire d'amour renaît dans nos veines. Si tu mets ta main au creux de la sienne, tu verras, c'est le même amour. Petit garçon, je vois dans ton regard tant d'illusions construisant un rempart. Loin de ta mère, loin de ton père, une fois sur deux. T'as compris et tu boudes un peu. Si tu mets ta main au creux de la mienne, une histoire d'amour renaît dans nos veines. Si tu mets ta main au creux de la sienne, tu verras, c'est le même amour. Le même amour.